l'avais prévenu, c'est qu'un sale con. Un sale con qui m'embrassait bien. Il t'a jamais écrit une chanson. A trop demandé, on mérite rien. Il était bien trop grand pour toi. J'aimais me sentir petite dans ses bras. Et il avait pas de conversation. À toi de te poser des questions. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi je te comprends. On s'égare en sentiments. Est-ce qu'il t'a déjà dit pardon? Pour pas ranger ses caleçons. Et que t'étais belle en crevée. Ça compte si c'est l'alcool qui parlait. Il t'a présenté à ses parents. Pour une fois que j'en trouvais charmant. Tu vois, c'est pas un gars pour toi. Ça m'allait tant qu'il le savait pas. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi je te comprends. On s'égare en sentiments. Sur le dernier mois, il avait pas un tout petit peu pris du cul? Je préfère trop que passer. Je suis sûr qu'il t'a déjà fait cocu. Chloé aussi, elle l'a trompé. Moi j'ai pas de soucis avec Chloé. Y'a pas de soucis quand on est niais. C'est vrai qu'on s'est toujours tout dit. À part ton frère dans son lit. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi je te comprends. On s'égare en sentiments. T'aimais vraiment ses cheveux de blond. Ses châtains clairs. Puis franchement t'es presque rouquin. Tu te voyais vivre dans la même maison. Je le voulais dans tous mes matins. Je te le dis, mais t'es mieux toute seule. Il veut vraiment qu'on s'engueule. C'est là que je te trouve la plus jolie. Et il me sert à quoi son avis? Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi je te comprends. On s'égare en sentiments. En 1934, le film Zouzou de Marc Allégret mettait en scène deux vedettes de la chanson, Joséphine Baker et Jean Gabin. Et là, c'est Jean Gabin qui va s'y coller. Au passage, vous écoutez bien la chanson. Il va décocher une petite vacherie à l'attention de Mistinguette, la Misting comme il l'appelle. Oh, mais on s'adore dans le showbiz. Viens Fifine, Jean Gabin. Thank you. rue de la Huchette. On connaît Pipine, la reine des belles musettes. Le soir quand elle passe en roulant des mirettes, plus d'un gars du quartier lui dit sans faire prier. Viens Pipine, au petit bal du Sébasto. Viens Pipine, la javaillère vient plus beau. Quand tu me frôles, ça me fait drôle, jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le ciboulot. Viens Pipine, y a pas jeté dans la peau. Pipine, au petit bal du Sébasto. Viens Pipine, la javaillère vient plus beau. Quand tu me frôles, ça me fait drôle, jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le ciboulot. Viens Pipine, y a pas jeté dans la peau. Et voilà maintenant la chanson qui a popularisé Alain Turban dans les années 70. Alors, Santa Monica, Los Angeles, la fin de la route 66, la grande roue et le ponton très animé le soir, Santa Monica, Alain Turban. Yeah.

nous redonnions cette romance et nous parlions de l'avenir. Ne jouez plus cette romance, je ne veux plus. Christophe, vous savez, le chanteur aux lunettes noires, oui. Il a déclaré qu'il avait composé sa chanson lors d'un déjeuner chez sa grand-mère. Il l'a fait en un quart d'heure. Et cette chanson, qu'il va nous interpréter maintenant, s'est classée première dans le hit parade de France. Aline, Christophe. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Bon, vous l'avez compris, Aline de Christophe, ça ressemble étrangement à la romance de Jackie Moulière. Alors Jackie Moulière, bien entendu, n'était pas content du tout. Il a saisi les tribunaux qui, dans un premier temps, ont reconnu le plagiat. Ah. Seulement, voilà, Christophe a fait un appel et, en deuxième recours, Jackie Moulière a perdu. À vous de vous faire une idée, votre témoignage sera sans doute demandé. Allez, Frida Bocara, la chanteuse suivante, était engagée pour l'UNICEF et elle chantait en 13 langues. Nombre de ses chansons ont une partie adaptée d'air de musique classique et là, le compositeur complice n'est autre que Jean-Sébastien Bach, 100 millions, 100 000, non pas 100 millions, 100 000 chansons, Frida Bocara. Il y aura 100 000 chansons quand viendra le temps des 100 000 saisons. 100 000 amoureux pareils à nous deux dans le lit doux de la terre. 100 000 chansons rien qu'à nous, 100 000 horizons de Gauvin Serre a été choisi par Renault pour faire la première partie de sa tournée. Alors Gauvin Serre, auteur, compositeur et interprète, il a sorti en juin 2017 son premier album. Il a été très vite certifié disque de platine. En février 2018, il est nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie audiovisuel pourvu Gauvin Serre. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin, pourvu qu'elle me trouve pas couillon, chaque fois que je cite le dîner de con, pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de ad hoc, pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour, pourvu qu'elle digère bien les huîtres, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin, pourvu qu'on s'échange nos bouquins, pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage, pourvu qu'elle parle à mes copains pour que ça devienne ensuite les siens, pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie, pourvu qu'elle sache qui est le preste, pourvu qu'elle vote pas pour la peste, pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte, pourvu qu'elle ait l'alarme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'Aroussin, comme il est touchant d'Aroussin. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celles qui pensent à remplir leur cervelle, qu'elle penche plutôt vers Modiano, qu'elle penche pas trop vers Morano. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins, c'est dingue d'avoir des si petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin la BO d'Amélie Poulain. Et pourvu qu'elle aime cette chanson autant que la voix de Gérard Darmon. Il y a de la joie, il y a de la joie, c'est une chanson écrite par Charles Trenet sur une musique composée avec Michel Aimer. Alors Michel Aimer, on en reparlera, vous voulez qu'on en parle tout de suite? Eh ben on en parle tout de suite. Alors Michel Aimer, il était de confession juive, et lors de l'occupation, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les chansons composées par Michel Aimer avaient été interdites. C'est comme ça que Édith Piaf dut remiser l'accordéoniste jusqu'à la fin de la guerre. C'est Maurice Chevalier qui chanta le premier « Il y a de la joie ». Et quand Miss Tinguette entendit la chanson interprétée par Charles Trenet, elle s'écria en direction de Maurice Chevalier « Hé, il la chante mieux que toi !» On s'aime dans le showbiz. « Il y a de la joie, Charles Trenet !» Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit « Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. »

Et voilà maintenant une chanson dont les paroles sont de Pierre Macorlan et la musique de Victor Marceau. Un rat est entré dans ma chambre, La fille de Londres par Juliette Gréco. Un rat est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de Londres. Un chinois a regardé Londres. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à Pénéfice, lui est souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Sur son maillot de laine bleue, on pouvait lire en lettres rondes le nom d'une vieille compagnie qui paraît-il fait le tour du monde. Nous sommes entrés chez Charlie à Pennyfields, loin des soucis. Et j'ai dansé toute la nuit avec mon shintok ébloui. Et chez Charlie, il faisait jour et chaud. Tess jouait des Ibelles sur son vieux piano. Un piano avec des dents de chameau. J'ai conduit le chinois dans ma chambre. Il a mis le rat à la porte. Il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris dans mes bras tremblants. Pour le bercer comme un enfant, il s'est endormi sur le dos. Alors je lui ai pris son couteau. C'était un couteau perfide et glacé. Un sale couteau rouge de vérité. Un sale couteau rouge sans spécialité. C'est un phénomène que nous allons laisser le soin de finir cette émission. Un phénomène, un homme aux exploits sur le plan sportif. Rappelez-vous, c'était il y a 30 ans, en 1988, il a traversé l'océan Atlantique sur des quilles flotteurs. Ah, vous l'avez ? Non, mais je vais en donner plus. Sur le plan artistique, c'est aussi un phénomène. La grosse caisse sur le dos, les cymbales aux chevilles, la guitare, l'harmonica, le chapeau blanc muni de grelots, les colombes et le micro, c'est l'homme orchestre, vous l'avez reconnu, c'est Rémy Bricca, La vie en couleur. Hey hey, on dormira demain, viens, prends-moi par la main, la fête vient d'arriver. Avec ses lumières et ses cavalières, sur tous les manèges enchantés. Les ours en peluche et les fanfreluches, pour toi je les gagnerai. Ça y est, je devine que les carabines te font peur, je suis désolé. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des fleurs. Les manèges tournent à l'unisson. C'est la vie en couleur. Il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour. On peut trouver le grand amour sur le grand vide ou la grande roue. Le monde tourne autour de nous. Hey, hey. Dans le labyrinthe, les lumières éteintes, j'essaierai de t'embrasser. Dans le train fantôme, n'aie pas peur des gnomes, je suis là pour te protéger. Les marchands de nougat et de papa papa seront bientôt consolés. Nous reviendrons dormir loin du bruit et des rires. sortir, mais tu ne voudras pas rentrer. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. C'est des riz et des fleurs. Les manèges tournent à l'unisson. C'est la vie en couleur. Il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire tout. On peut trouver le grand amour sur le grand vide ou la grande roue. Le monde tourne autour de nous. Et voilà, la cerise sur le canto est terminée. Merci à Yves pour la réalisation technique. Merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Et nous serons néanmoins avec vous dimanche prochain pour Patchwork et les musiques du monde. Ah, cette semaine-là, nous resterons en France et nous irons dans le Dauphiné, une région qui m'est chère. Rendez-vous également sur notre page Facebook, La Cerise sur le Canto et Patchwork. En attendant, soyez heureux avec Radio Fadjet 94.2 et sur le net fadjet.net. Au revoir.